vit slalomé entre gousses d'ail et crucifix, en rêvant de l'avènement de l'hémophilie. On tombe toujours sur votre répondeur, même si on appelle après 11 heures. Des mon lubrique, monstre pervers, réduis en cendres la nuit échue. Surpris par l'heure d'hiver.